Julius Brack, wesh pote au respect. J'ai pas pris la grosse lettre, j'écris vers les stacks. Tu me fais le mec des states, mais tu parles à mon fake. Wesh le couze, là je tabasse, je sais pas que je suis le boss, mais je les braise. Maman mia, chaud comme la braise. Encore un planète rap, je vous agresse. Ferme ta putain de gueule, on a dit. La zone en personne t'a traumatise. Pour moi c'est doré de platine, à la vie à la mort, ouais pour ma team. J'en ai avec mes lunettes, putain je fais tomber ma fumette. T'es là, tu respectes des folles, respecte celle qui t'a vu de net. J'en ai assez, je veux ma fumeur. Tous ces bâtards ils m'ont vu mort. Et si y'a bagarre dans le fumeur, ça te fume même si mon fumeur. Je me casse la tête, ça la patate quand je rapplique. Je fais un gros nuage quand j'allume le pet. La gorge et le nez ça pique. Nique-toi de là, nique-toi de là. Ça m'a blessé mais j'ai le dollar. Alors j'écris, je suis en colère. Ça m'a zappé pour des dollars. Made it, bro, sorti le CD, volé, zélé, oh mic, je fais des mada, tout va, béni, love me, mais gars, je vais les gêner, je suis déchaîné, je vais t'enchaîner, je le sors, je les, ce n'est pas mêlé, avant, story, fais les, c'est les, décompressé les gars, c'est technique efficace, fais gaffe, les flics passent, les petits tasses, les petits casses, une double dédicace, faut finir à l'hôtel avec du tasse, des bandits, dos, qu'aime la vitesse, pas trop politesse, plutôt shit, cesse, leur humeur, faut qu'ils cessent, chante la kick, c'est la crise, je t'ai fait le trait, fais plus la bise, tu m'as critiqué, me fais plus la bise, t'as plus trop en monde, fais plus la bise, les poussettes, c'est réel, qu'on n'aille pas dire que je dramatise. Et les problèmes tout dans la tise, la tête taillée à mettre dans les bises, la ligne de bise. J'ai dû chuter un petit couteau, j'ai la poche, j'suis dégoûté. Ce qui suivent, c'est les moutons, et ceux qui marchent à côté. Je t'étonne peut-être plus, mais depuis le temps, je me la pète pas jamais, je fais pas le pète plus. Quand je rappe, je m'arrête plus. Je peux te faire 10 heures d'impro sous votre carrette de bulle. Je respecte tout le monde de celui qui vend le shit, à celle qui taffe tous les soirs devant l'arrêt de bulle. J'arrête un peu, je fume plus de bœuf, devant le but, je ne rate peu. Qui t'a dit que je rappe pas, moi c'est popo, ouais, je rappe pas, t'as plein de bobos, ouais, sur pépé, y'en pop pop. Oh les mains, je vous braque, c'est hold up. Tout le monde à terre, c'est hold up. Wesh alors, c'est quoi les bails? Si ça se n'est que pour de la maille, tout le monde déguste quand je prends le mic. Quand ça me suit trop, je paranoïe. Oh là là, oh là là, je suis resté le même sur ma vie. Oh là là, oh là là, je parle pas les lignes, mon ami. Oh là là, y'a un bruit, on s'organise. Oh là là, oh là là, tête cassée dans Audi gris. Je quitte même sur un mon bébé. Je veux mon permis, je dois faire pipi. Tu veux ma vie, t'auras tiki. Pour toi, ça sera la mort du tu. Dis-moi combien de boules tu tiens, je te dirai qui tu es. Dis-moi combien de gens tu coupes, je te dirai quelle amitié. Serre-moi un verre corsé, je veux dire deux, trois mots en corse. La gadis, c'est un morceau, m'a fait le signe d'où je dis merci. Je rentre en stun, t'as bercé, dans la fosse, la garce. Toutes sont mon bercé, on m'a dit d'où t'as percé. Arrêtez de dire que j'étais mieux avant, vous me cassez les couilles. Moi, je fils de, t'as reconnu, sous la cagoule, c'est d'où.